Chapitre 4. Jacques s'éveilla vers 9 heures du matin. Il fut quelques instants avant de se rendre compte où il était. Une chambre luxueuse, des draps fins, un lit immense et, à travers la porte de communication, un salon meublé, des fauteuils de cuir vert, sur la cheminée, un vase de cristal rempli de roses. Tout cela s'inscrivit dans son regard. Alors il se souvint. Arrivé au Claridge vers 2 heures, tout s'était bien passé. Son chauffeur s'était éloigné en hâte sous la pluie qui tombait. Les formalités de réception avaient été brèves. Aussitôt arrivé dans l'appartement, il s'était étendu et endormi. Il décrocha le téléphone, commanda son déjeuner et les journaux du matin. À peine avait-il raccroché le récepteur qu'un maître d'hôtel chargé d'un plateau entrait dans la pièce. Tout en mangeant, Jacques parcourait le petit Parisien. Un titre en gros caractères le frappa aussitôt. « Le crime sans cadavre ». Avidement, il parcourait les lignes qui suivaient. On relatait ce que la police avait découvert la veille. La tache de sang, les traces de la balle, la perquisition chez Régnier. Son signalement s'étalait en toutes lettres. « Mais où est la victime ?» se demandait le rédacteur. « S'agit-il d'un drame du milieu, d'un règlement de compte ou d'un simple crime crapuleux ?»« Nous attendons avec impatience les résultats de la piste que suit le commissaire Herbeau, chargé de cette enquête. » Jacques laissa tomber le journal. Comment avait-il pu laisser une tache de sang sur l'appui-bras ? Il était maintenant inutile de se lamenter. Régnier devait disparaître définitivement et, tant qu'on ignorerait le nom de l'homme assassiné, il n'avait rien à craindre en se cachant sous sa personnalité. Puisqu'il avait commencé à remplacer le mort, il continuerait. Qui, en Claude Barrène, s'aviserait jamais de chercher le chauffeur de taxi traqué par la police ? Tout l'accusait. Cependant, il savait bien, lui, n'être pas le coupable. Un autre avait tué. Il fallait attendre, fouiller dans le passé du mort, trouver l'assassin. Le pseudo-Barrène se mit à explorer les bagages du mort. Il avait entassé autour de lui du linge et des vêtements sans que rien ne lui ait été révélé. Dans le fond de la valise, il trouva, dans un cadre, la même photo de femme qu'il avait déjà admirée. Il la posa sur le petit secrétaire en bois de rose et la contempla un moment. Était-elle pour quelque chose dans ce meurtre ? Sa méditation fut interrompue par la sonnerie du téléphone. Que lui voulait-on ? Il avait rempli sa fiche hier en arrivant. « Allô ?» disait une voix féminine. « Est-ce bien M. Barrène à l'appareil ?» Il hésita à peine. « Lui-même, » répondit-il. Il pensait parler à une employée de l'hôtel. Quelle ne fut pas sa surprise en entendant son interlocutrice continuer joyeusement. « Mais c'est moi, chérie, moi, Yvonne. Tu ne reconnais donc pas ma voix ? Je n'ai pas voulu t'appeler avant, je pensais que le voyage t'avait fatiguée. Mais maintenant, je n'attendrai pas une minute de plus pour te voir. À tout de suite !» Sans attendre de réponse, l'amie de Claude Barrène avait coupé la communication. Elle était en route pour sa chambre. Amèrement, Jacques pensa qu'il avait été démasqué bien vite. Fuir ? Mais où ? Sous le nom de Barrène, il était en sécurité. Avant que la lumière soit faite sur toute cette affaire, il serait jeté en prison et condamné sans doute, car nul ne croirait son étrange histoire. Restez, Yvonne allait comprendre, l'accuser. On frappait à la porte. Jacques se posta devant la fenêtre, de façon à tourner le dos à l'arrivante, et cria « Entrez !» La porte s'ouvrit. « Chérie, mon Claude ! Eh bien, que se passe-t-il ? Tu m'avais écrit pourtant de te rejoindre !» Deux bras tendres s'enroulaient à lui, un parfum délicieux l'enveloppait. Lentement, il se retourna. « Oh, pardon !» s'exclama la jeune femme. « Je me suis certainement trompée de porte. Je cherchais un ami, et on m'avait dit qu'il occupait l'appartement 213. Elle allait à la porte. « Je suis Claude Barenne, » dit Jacques d'une voix grave. « Mais non, ce n'est pas possible. Je connais bien Claude, il est mon ami. » Jacques regarda Yvonne. « Asseyez-vous, » ordonna-t-il. Elle était blonde, avec un minois délicieux, une grâce toute parisienne. Elle levait sur lui des yeux bleus pleins d'inquiétude. Sans doute pensait-elle avoir affaire à un fou. Elle s'assit, les lèvres tremblantes. « J'ai dit que j'étais Claude Barenne, » continuait Jacques. « C'est vrai et c'est faux en même temps. Il faut que je vous raconte, pour que vous compreniez cela, une histoire curieuse. Ne m'interrompez pas, même si elle vous semble invraisemblable. D'abord, je regrette de vous peiner, mais Claude est mort. » Elle eut un gémissement, porta son mouchoir à ses yeux. Puis, reprenant courage, elle lui intima de continuer son récit. Il lui raconta tout ce qui s'était passé. « Je ne sais si vous me croyez, » conclut-il, « mais mon sort est entre vos mains. Vous aimiez Claude Barenne, vous connaissez sa vie, ses amis, ses ennemis. Aidez-moi à découvrir celui qui l'a tué. Nous le vengerons. Si vous croyez que j'ai menti, appelez la police et dénoncez-moi. » Jacques s'attendait à une crise de nerfs, à des insultes, à des menaces. Il fut déconcerté de voir un sourire ironique jouer sur les lèvres de la blonde personne. « Dans tout cela, dit-elle, vous vous êtes conduit comme un enfant. Votre maladresse me convainc de votre innocence. Du reste, plus tôt ou plus tard, cela devait arriver à Claude. C'est le métier qui veut ça. Je le regrette, c'était un bon garçon. » Elle se leva comme sous une subite inspiration. « Vous avez fouillé les valises sans rien trouver ? » interrogea-t-elle. Elle se dirigea vers la plus petite, qui était vide, en enleva le fond et, découvrant une cachette qui en tenait toute la longueur, elle en sortit des diamants qui scintillèrent entre ses doigts. « Je me demande pourquoi ils l'ont tué, » dit-elle, « puisque les bijoux sont là. » Elle s'assit et, pensive, « C'est incompréhensible. Je croyais tenir le motif du meurtre. Il faut que je vous explique tout. Claude avait de dangereuses relations. Il était bien commerçant, mais, alors qu'on le croyait propriétaire d'une importante bijouterie à Saïgon, il n'en était que le gérant. Ce magasin avait été créé par une bande de voleurs internationaux et leur permettait d'écouler leurs marchandises sans risque. » Ainsi, dans le monde entier, des hommes étaient au courant des déplacements de Claude quand il se rendait en Hollande pour vendre les pierres les moins reconnaissables ou faire tailler les plus connues. Évidemment, la tentation était forte pour eux de s'approprier les trésors que Claude portait avec lui. Jugez-en vous-même, cette collection représente une fortune. Des scrupules, il y en a peu dans ce milieu. D'ailleurs, les risques ne sont pas grands pour un gain énorme. C'était tentant, avouez-le. J'étais convaincu que quelqu'un avait fait le coup. Dans ce cas, il n'aurait pas été difficile de limiter le cercle des suspects, car on sait toujours où se trouvent les grandes personnalités, les princes de la pègre, qui, seuls, sont capables de mener à bien une affaire pareille. Évidemment, il ne s'agit pas d'un de ceux-là, puisque les diamants sont à leur place. Mais pour quelle raison a-t-on tué Claude ? Il avait la réputation d'être régulier en affaires. Je me demande si... » À ce moment, la porte s'ouvrit brusquement. Étonnés, Jacques et Yvonne se retournèrent et virent, braqué sur eux, le canon de revolver. Yvonne leva les mains. Sa vie aventureuse aux côtés d'un receleur l'avait sans doute habituée à ces sortes d'affaires. Elle ne poussa pas un cri, son visage ne perdit rien de son calme. Jacques, dans sa surprise, ne pouvait que fixer le petit trou noir, là, devant lui, d'où allait sortir la mort. L'homme qui venait d'entrer ne dit pas un mot. Ses yeux brillaient d'un sombre éclat. Il semblait jouir cruellement de la situation. Il était habillé avec une recherche qui rendait plus apparente la vétusté de son vêtement noir. Ses cheveux étaient trop longs, son front immense, son visage très pâle. Seuls vivaient les yeux pleins de fièvre dont il fixait ses victimes. Jacques se ressaisit assez vite. Les dernières heures qu'il venait de vivre lui avaient appris à ne plus s'étonner de rien. Si le nouveau venu voulait les diamants, qu'il les prenne, il n'y tenait pas. Si son intention était de tuer Claude, à quoi bon? Claude était bien mort. Il fallait parler, faire quelque chose. S'étant aperçu qu'il tournait le dos à la fenêtre et qu'ainsi, en pleine clarté, il offrait une cible infaillible aux balles de son adversaire, il se déplaça doucement de côté pour, en s'abritant dans l'ombre, s'approcher de la porte de communication du salon. Mais l'homme, ayant remarqué la manœuvre, lui cria d'une voix menaçante « Pas un geste ou je tire, et je m'en voudrais d'abréger ton agonie !» Jacques rencontra le regard fou et vit le doigt prêt à s'abaisser. Il préféra rester à la même place. Si l'homme le laissait s'expliquer, il pouvait encore sauver son existence.